Chapitre 7e. La petite ville de Pontbriand, ancienne mouvance féodale, est située à quelques lieues de Blois, non loin de la Loire. Une promenade, appelée le Mail, ombragée de grands arbres, borne Pontbriand au midi. Quelques maisons sont bâties sur le côté gauche de ce boulevard qui sert aussi de champ de foire à diverses époques de l'année. Le docteur Dufour habitait une de ces maisons. Environ un mois s'était écoulé depuis les événements que nous avons rapportés. Vers le commencement du mois de novembre, le jour de la Saint-Hubert, patron des chasseurs, prononcez Saint-Hubert si vous voulez paraître quelque peu veneur, les oisifs de la petite ville étaient rassemblés sur le Mail vers les 4 heures de l'après-midi afin d'assister à une espèce de cortège cynégétique ou de retour de chasse du jeune marquis Raoul de Pontbriand qui, depuis le matin, fêtait le grand Saint-Hubert en forçant un cerf d'icor dans la forêt voisine. Pour plus de solennité, les chasseurs devaient passer triomphalement par Pontbriand pour retourner au château de ce nom, situé à peu de distance de la petite ville qu'il dominait au loin de sa masse imposante. Les 10 oisifs, commençant à s'impatienter d'une assez longue attente, virent s'arrêter à la porte du docteur Dufour un large cabriolet de campagne, à la caisse d'une couleur douteuse attelée d'un vieux cheval de labour, au harnais rustique, çà et là rajusté avec des cordes. Frédéric Bastien, sortant le premier de cette modeste voiture, dont il avait été le conducteur, offrit l'aide de son bras à sa mère, qui descendit légèrement du marchepied. Le vieux cheval, d'une sagesse éprouvée, fut laissé en toute confiance attelé au cabriolet, les guides sur le cou, et seulement rangé par Frédéric au long de la maison du médecin, chez qui Madame Bastien et son fils entrèrent aussitôt. Une vieille servante les précéda dans un salon situé au premier étage et dont les fenêtres s'ouvraient sur la promenade publique de Pontbriand. « Monsieur le docteur Dufour peut-il me recevoir ?» demanda Madame Bastien à la servante. « Je crois que oui, madame. Seulement monsieur est en ce moment avec un de ses amis qui loge ici depuis plusieurs jours et qui doit ce soir partir pour Nantes. Mais c'est égal, je vais toujours prévenir monsieur que vous êtes là, madame. Je vous serai très obligée. » répondit Madame Bastien, restée seule avec son fils. L'envie, exaspérée par la jalousie, l'on n'a pas oublié les justes louanges ingénument données à la parfaite courtoisie du jeune marquis de Pontbriand par Madame Bastien, avait depuis un mois fait de nouveaux et effrayants ravages dans le cœur de Frédéric. Son état maladif avait tellement empiré depuis un mois qu'on l'eût à peine reconnu. Son teint n'était plus seulement pâle, mais jaune et bilieux. Ses joues creuses, ses grands yeux enfoncés, brillant d'un éclat fébrile, le sourire amer qui contractait presque toujours ses lèvres, donnait à ses traits une expression à la fois souffrante et farouche. Ses mouvements, brusques, nerveux, sa voix brève, souvent impatiente, quelquefois dure, achevaient un pénible et frappant contraste entre ce que ce malheureux enfant était alors et ce qu'il avait été jadis. Marie Bastien semblait profondément abattue, découragée. Son visage, empreint d'une douloureuse mélancolie, rendait son angélique beauté plus touchante encore. À la douce et joyeuse familiarité, à la tendresse expansive qui régnait autrefois entre la mère et le fils, succédait une froide réserve de la part de Frédéric. Marie, brisée par de mortelles angoisses, s'épuisait à chercher la cause du malheur qui la frappait dans son enfant. Elle commençait à craindre que M. Dufour ne se fût trompé, en attribuant à une crise naturelle la perturbation de plus en plus alarmante qui se manifestait chez Frédéric, au physique et au moral. Aussi Madame Bastien venait-elle consulter à ce sujet M. Dufour, qu'elle n'avait pas vu depuis assez longtemps, le digne docteur étant retenu à Pontbriand par les devoirs et les doux plaisirs d'une amicale hospitalité. Après avoir tristement contemplé son fils, Marie lui dit presque avec crainte, comme si elle eût redouté de l'hériter, « Frédéric, puisque tu m'accompagnais chez notre ami M. Dufour, que je désirais consulter pour moi, nous pourrions par la même occasion lui parler de toi. C'est inutile, ma mère, je ne suis pas malade. Mon Dieu, peux-tu dire cela? Cette nuit encore n'a été pour toi qu'une longue insomnie, mon pauvre cher enfant. J'ai été plusieurs fois voir si tu dormais. Je t'ai toujours trouvé éveillé, agité. Toutes les nuits je suis ainsi. Hélas, je le sais. Et c'est cela et d'autres choses encore qui m'inquiètent beaucoup. Tu as tort de t'inquiéter, ma mère, cela passera. Je t'en supplie, Frédéric, consultons M. Dufour. N'est-ce pas notre meilleur ami? Dis-lui ce que tu ressens, écoute ses conseils. Encore une fois, je n'ai pas besoin de la consultation de M. Dufour, reprit l'adolescent avec impatience. Je te déclare d'avance que je ne répondrai à aucune de ces questions. Mon enfant, écoute-moi. Mon Dieu, ma mère, quel plaisir trouvez-vous donc à me tourmenter ainsi ? S'écria-t-il en frappant du pied. Je n'ai rien à dire à M. Dufour, je ne lui dirai rien. Vous savez si j'ai du caractère. La servante du médecin, entrant alors, dit à Madame Bastien « Monsieur le docteur vous attend dans son cabinet, madame. » Après avoir jeté sur son fils un regard navrant, la jeune mère dévora ses larmes et suivit la servante du docteur. Frédéric, seul dans le salon, s'accouda sur la barre de la fenêtre ouverte qui donnait, nous l'avons dit, sur la promenade de la petite ville. Au-delà des boulevards qu'il abordait, s'étageaient quelques collines baignées par la Loire, tandis qu'à l'horizon, et dominant la forêt dont il était entouré, s'élevait le château de Pontbriand, alors à demi voilé par les brumes de l'automne. Après avoir machinalement erré çà et là, les regards de Frédéric s'arrêtèrent sur le château. À cette vue, l'adolescent tressaillit, ses traits se contractèrent, s'assombrirent encore, et toujours accoudé sur l'appui de la fenêtre, il resta plongé dans une rêverie profonde. Telle était la préoccupation du fils de Madame Bastien, qu'il ne vit ni n'entendit entrer dans la pièce où il se trouvait un second personnage qui, un livre à la main, s'assit dans un coin du salon sans paraître non plus remarquer l'adolescent. Henri David, c'était le nom de ce nouveau venu, était un homme de 35 ans environ, d'une taille svelte et élevée. Ses traits, énergiquement accentués, depuis longtemps brunis par l'ardeur du soleil tropical, ne manquaient pas de charme, dû peut-être à leur expression de mélancolie habituelle. Son front, grand et un peu dégarni, quoique encadré d'une chevelure brune et bouclée, semblait annoncer des habitudes méditatives. Ses yeux noirs, vifs, surmontés de sourcils bien arqués, avaient un regard à la fois pensif, doux et pénétrant. David, au retour d'un long voyage, était venu passer quelques jours chez le docteur Dufour, son meilleur ami. Il devait repartir le soir même pour Nantes, où il allait s'embarquer afin d'entreprendre une nouvelle et lointaine pérégrination. Frédéric, toujours accoudé à la fenêtre, ne quittait pas des yeux le château de Pontbriand. Assis dans le salon et continuant sa lecture, Henri David, ayant posé son livre sur son genou, pour réfléchir sans doute, leva la tête et, pour la première fois, remarqua l'adolescent qu'il voyait de profil. Aussitôt il tressaillit. On eût dit qu'un souvenir, à la fois cher et douloureux, déchirait de nouveau son cœur à l'aspect de Frédéric. Car deux larmes brillèrent un moment dans le regard attendri de David. Puis, passant sa main sur son front, comme pour chasser d'accablantes pensées, il se prit à contempler l'adolescent avec un indéfinissable intérêt. D'abord, frappé de la rare beauté de ses traits, il remarqua bientôt, non sans surprise, leur expression navrante et sombre. Les yeux de Frédéric s'attachaient si obstinément sur le château qu'à leur direction, David devina sans peine l'objet qu'il fixait incessamment et se dit « Quelles amères pensées avait donc chez ce pâle et bel adolescent la vue du château de Pontbriand qu'il ne quitte pas du regard ?» Soudain, l'attention de David fut distraite par un bruit de fanfare. Ce bruit, d'abord assez éloigné, se rapprocha de plus en plus dans la direction du mail. Au bout de quelques instants, cette promenade, où se trouvait déjà un assez grand nombre de curieux, fut à peu près rempli d'une foule impatiente d'admirer le cortège de vénerie, hommage rendu à Saint-Hubert par le jeune marquis. L'attente générale ne fut pas déçue. Les sons éclatants des trompes devinrent de plus en plus bruyants et une brillante cavalcade traversa le mail. La marche s'ouvrait par 4 piqueurs à cheval, en grande livrée à la française, de couleur chamois, à collet et parement cramoisi, galonnés d'argent sur toutes les tailles, tricornes en tête, couteau de chasse au côté. Ces gens d'équipage sonnaient tour à tour les fanfares de la Saint-Hubert, du cerf d'Icor, et enfin ce qu'on appelle en langue de vénerie la retraite prise, c'est-à-dire que l'animal que l'on a chassé a été forcé. Puis venaient une centaine de grands chiens courants, superbes bâtards anglais, portant au cou, toujours en l'honneur de Saint-Hubert, de gros nœuds de rubans chamois et cramoisis, couleur de la livrée du maître de l'équipage, ruban quelque peu effilé ou déchiré par les ronces et les broussailles traversées durant la chasse. 6 valets de chiens à pied, aussi en grande livrée, chaussés de bas de soie et de souliers à boucles d'argent, couteau de chasse en sautoir, suivait la meute, et la trompe en main répétait en manière d'écho les fanfares des piqueurs. Un fourgon de chasse, conduit en daumont, venait ensuite, servant de char funèbre un magnifique cerf d'icor, gisant sur un lit de feuillage, et dont les énormes andouillers étaient ornés de longs rubans flottants, aussi chamois et cramoisis. Derrière ce fourgon s'avançaient les chasseurs, tous à cheval, les uns en redingote écarlate, les autres courtoisement vêtus d'un uniforme de vénerie, pareil à celui du jeune marquis de Pontbriand. Deux calèches, attelées chacune de quatre magnifiques chevaux, pleins de sang et d'ardeur, menés en daumont par de petits postillons en veste de satin chamois, suivaient les chasseurs. Dans l'une de ces voitures se trouvait la marquise Douairière, ainsi que deux jeunes et charmantes femmes en habit de cheval, portant galamment sur l'épaule gauche une aiguillette de ruban aux couleurs de Pontbriand, car elles avaient suivi la chasse jusqu'à l'alali du cerf. L'autre calèche, ainsi qu'un phaéton et un élégant char à banc, étaient occupés par des femmes non chasseresses et par plusieurs hommes qui, en raison de leur âge, avaient été simples spectateurs de la chasse. Enfin, des chevaux de main et de relais, aux couvertures richement armoriées et conduits par des palefreniers à cheval, terminaient le cortège. La tenue parfaite de cette vénerie, la race des chiens et des chevaux, la richesse des livrées, l'excellent goût des attelages, la tournure distinguée des chasseurs, la jolie figure et l'élégance des femmes qui les accompagnaient, eussent été partout très justement remarquées. Mais pour les badauds de la petite ville de Pontbriand, ce cortège était un véritable spectacle, une sorte de marche d'opéra où rien ne manquait, ni musique, ni costume, ni solennel appareil. Aussi, dans leur admiration naïve, les plus enthousiastes ou les plus politiques de ces citadins, bon nombre d'entre eux étaient fournisseurs du château, crièrent « Bravo, monsieur le marquis !» et battirent des mains avec transport. Malheureusement, cette pompe triomphale fut un moment troublée par un accident qui arriva presque sous les fenêtres de la maison du docteur Dufour. L'on n'a pas oublié le vénérable cheval de labour qui avait amené madame Bastien dans une modeste voiture, et sur la sagesse duquel on avait cru pouvoir assez compter pour le laisser, tout attelé et les guides sur le cou, rangé au long de la maison du médecin. Ce digne cheval méritait cette confiance. Il l'eût comme toujours justifié sans la circonstance insolite du cortège de la Saint-Hubert. Aux premières fanfares, le campagnard se contenta de dresser les oreilles et resta paisible. Mais lorsque le cortège eut commencé de défiler devant lui, le retentissement des trompes, les bravos des spectateurs, les cris des enfants, les aboiements des chiens, la vue de ce grand nombre de chevaux, tout, enfin, concourut à faire sortir le digne vétéran du labour de son calme et de sa sagesse habituelle, hennissant soudain, comme au plus beau jour de sa jeunesse, il éprouva le malencontre désir de se joindre à la troupe dorée qui traversait le Mail. En deux ou trois bonds, le laboureur joignit en effet la brillante cavalcade, entraînant après soi le vieux cabriolet et faisant refluer la foule sur son passage. Une fois au milieu du cortège, le cheval se cabra violemment, et se tenant un instant sur ses pieds de derrière, il se mit à jouer, comme on dit, de l'épinette avec ses pieds de devant, s'abandonnant à cette joyeuseté incongrue justement au-dessus de la calèche où se trouvait la marquise Douairière de Pontbriand. Celle-ci, épouvantée, se renversa en arrière en agitant son mouchoir et en poussant des cris aigus ainsi que ses compagnes. À ces clameurs, le jeune marquis se retourna, fit faire une volte et un bond énorme à sa monture avec autant de grâce que de hardiesse. Puis, à grands coups de fouet de chasse, il eut bientôt fait sentir au vénérable et trop guilleret laboureur l'impertinence de ses familiarités, dur leçon qui fut accueillie par les éclats de rire et par les applaudissements de plusieurs spectateurs charmés de la bonne mine et de l'aisance cavalière de Raoul de Pontbriand. Quant au pauvre vieux cheval, sentant ses torts, et regrettant sans doute l'indigne abus de confiance dont il venait de se rendre coupable, il revint de lui-même et, tout piteux, reprendre humblement sa place à la porte de la maison du docteur, au milieu des huées du public, pendant que le cortège de la Saint-Hubert finissait de traverser la promenade. Frédéric Bastien, de la fenêtre où il se trouvait, avait assisté à cette scène.